Bonjour fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici le sommaire. Investiture ce vendredi de la nouvelle présidente de la République unie de la Tanzanie, Samia Hassan Suluhu. Et le projet de loi de finances de l'État, exercice 2021-2022, adopté par le Conseil des ministres ce mercredi, prévoit un budget de plus de 1700 milliards francs avec un déficit de 1250 milliards. Vous allez écouter dans ce journal le porte-parole et secrétaire général de l'État. Des rapatriés en provenance de la Tanzanie et occupant la province Chamuzo demandent une bonne cohabitation avec les résidents. Voilà pour les titres destinés au tessus à la présentation. À la cabine technique, c'est Eli Kadog. Encore une fois, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'ex-président de la Tanzanie, récemment décédé John Pombe Magufuli, sera inhumé le 25 mars et courant à Chato. Déclaration de Samia Hassan Suluhu, ce vendredi après son investiture à la présidence de la République unie de la Tanzanie. Cette ancienne vice-présidente aux côtés de Pombe Magufuli demande aux Tanzaniens de continuer de se réconforter et trouve que ce n'est pas le moment de se pointer du doigt. Une personne a été blessée par l'explosion d'une grenade au cours de cette nuit à Gihanga Centre et c'est dans la province Bubanza. Selon les habitants de cette localité, c'était vers 21h. La victime est une vendeuse de cartes de recharge qui était menacée ces derniers jours par un militaire de la FDN pour avoir refusé de l'épouser selon les premières enquêtes de la police. Des messages de menace ont été trouvés dans le téléphone de la victime et selon la même source et le présumé auteur qui est un militaire basé dans l'Arukoko a été arrêté ce vendredi matin. L'autre qui a été arrêté juste après le forfait est un voisin de la victime qui est accusé de complicité. La grenade a explosé près de sa maison selon toujours les sources policières. Les billets constituant une somme de 400 000 francs burundais qui étaient dans sa sacoche de la victime ont été complètement déchiquetés suite aux éclats de la grenade. Le projet de loi finance de l'État exercice 2021-2022 a été adopté par le Conseil des ministres tenu son mercredi. Le secrétaire général et porte-parole de l'État précise que ce projet prévoit un budget de plus de 1700 milliards et avec un déficit de plus de 150 milliards de francs burundais. Prosper Nawgwami, porte-parole du gouvernement, compte élargir l'assiette fiscale et lutte contre la fraude. Suivez-le. Ce projet de loi des finances a été préparé sur base des priorités des dépenses envoyées par différents ministères et institutions. Il est préparé dans un contexte de poursuite de la politique budgétaire prudente et de priorisation dans la gestion du budget de l'État. L'objectif est d'atteindre un taux de croissance de 3,6% en 2021-2022. Il intervient également dans un environnement international caractérisé par une récession de l'économie dans tous les coins du monde en raison notamment des effets du COVID-19. Dans le but d'augmenter les recettes, d'importantes mesures sont prévues afin d'assurer que l'objectif fixé sera atteint. Ainsi, l'OBER va poursuivre ou entreprendre les actions suivantes. L'élargissement de l'assiette fiscale, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale à travers le suivi électronique des marchandises, le renforcement du recouvrement des arriérés et la maîtrise des exonérations. Pour l'exercice 2021-2022, les ressources globales du budget général de l'État sont évaluées à 1 557,5 milliards de francs-bourg contre 1 422,81 milliards de francs-bourg en 2020-2021, soit une augmentation de 9,5%. Quant aux charges, elle passe de 1 576,03 milliards de francs-bourg en 2020-2021 à 1 708,4 milliards de francs-bourg en 2021-2022, soit un accroissement de 8,4%. Le déficit global s'élève à 150,9 milliards de francs-bourg en 2021-2022 contre 153,2 milliards de francs-bourg en 2020-2021, soit une diminution de 1,5%. Après analyse, le projet a été adopté avec, entre autres recommandations, d'intégrer en collaboration avec les ministères sectoriels les rubriques qui auraient été omises ou oubliées, de corriger le projet en transférant les lignes budgétaires dans les ministères où les activités seront exécutées, d'éviter les dépassements budgétaires ainsi que les retards d'exécution, d'instituer une redevance routière pour les véhicules, d'instituer une taxe sur les transactions électroniques, d'éviter de gaspiller les ressources de l'État en utilisant les moyens dont il dispose là où cela est possible, de limiter autant que possible l'endettement intérieur et au mieux commencer à l'apurer. Près de 1500 victimes de la crise de 1972 ont été exhumées par la Commission Vérité et Réconciliation, CVR, dans 11 fosses communes de 4 communes dans les provinces de Bururi. Précision de Pierre Claver Ndaïchalier, président de la Commission Vérité et Réconciliation, lors d'un point de presse de ce vendredi. Il signale que la province de Bururi est jusqu'à l'heure la seule qui enregistre le plus grand nombre de fosses communes de 1972. Parmi les défis qu'a connus la CVR figure l'intimidation de quelques présumés auteurs aux ouvriers de la CVR, le point avec Jean-Marie Mayonga. Dans les enquêtes et investigations menées dans la province de Bururi par la commission Vérité et Réconciliation dans 4 communes, le président de la dite commission, Pierre Claver Ndaïchalié, a dit que 170 personnes ont été auditionnées et ont signalé qu'il existe 68 fausses communes. Pierre Claver Ndaïchalié signale que la majorité des personnes tuées ont été jetées dans les rivières. Et là, 68 fosses communes lui signalées par la population. Et là, excavé 11 fosses communes parmi celles vérifiées et confirmées. La CVR a exhumé 1455 victimes retirées des 11 fosses communes. Notons que la majorité des personnes tuées ont été jetées dans les rivières Sibouziaye, Jiji et Mouréme. Beaucoup de blocs de pierre utilisés pour achever les victimes jetés dans les fosses communes à Mouléni et à Mouzenga, en commune de Bururi. Quant aux défis rencontrés par la CVR, le président de la commission Vérité et Réconciliation précise que certains citoyens ont voulu désorienter la CVR pour fausser les informations et leurs ouvriers ont été intimidés par quelques présumés auteurs. Des victimes non retrouvées car elles ont été dévorées par des charognards ou jetées dans les rivières Jiji, Mouréhugué et Sigoudiaye. Des intempéries qui ont perturbé le travail de terrain de la CVR, c'est-à-dire la pluie, les routes glissantes, etc. D'autres réalités de terrain, comme des ouvriers de la CVR qui, à certaines occasions, ont été intimidés par quelques présumés auteurs avec des messages en kirundi comme Izomogira Niviki, Mwaje Kutura Kaose, quelques citoyens qui désorientent volontairement la CVR pour fausser la vraie localisation géographique. démographique des fosses communes. Dans les prochains jours, le président de la commission Vérité et Réconciliation signale qu'ils vont lancer la consultation de plusieurs archives administratives sur les fonctionnaires tués en 1972. Une autre opération d'enquête et exhumation sera effectuée dans les communes de Vianda, Songa et Rutovu. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h passé de 4 minutes au studio de la radio Isanganiro. Continuons ce journal. L'Université du Burundi a organisé une formation à distance sur l'approche par compétences et de révision des maquettes de formation à 4 universités locales. Lors de la clôture de cette formation ce jeudi, professeur Philogence Nahai, doyen de l'Institut des statistiques appliquées, précise que cette formation vient répondre aux besoins du marché local. Je vous propose de l'écouter. Ce que nous avons fait durant cette semaine, c'était d'abord d'apprendre comment élaborer le programme de formation par approche par compétences, où il est question de se centrer d'abord sur les métiers, les compétences que nos lauréats doivent avoir en termes d'offres de services à la fin de la formation. Donc cette approche a été bien étudiée, elle a été bien maîtrisée. Et à côté de ça, nous avons essayé d'utiliser cette approche directement par rapport à nos programmes pour la révision des maquettes de formation. Et c'est le travail qui a été fait. Et à la fin de cet atelier de formation, nos programmes seront révisés par approche par compétences et nos programmes seront soumis pour accréditation à la Commission nationale de l'enseignement supérieur et cela va nous donner un statut de reconnaissance de nos diplômes au niveau du Burundi, au niveau international, mais aussi un statut que nos lauréats qui sortiront bientôt seront capables de faire face aux multiples défis qui se retrouvent du côté du milieu professionnel. Donc nos lauréats qui sortiront à la fin de cette année qui sont en cours de formation au campus Nyamugerera seront les premiers. Alors il faut qu'ils fassent aux multiples défis par rapport au milieu professionnel qui les attend. Concrètement, les actuels, ce sont déjà qui œuvrent au niveau des entreprises de sécurité sociale, y compris aussi les services publics lorsqu'il est question d'élaborer des programmes ou bien d'élaborer des indicateurs d'aide à la décision en termes de sécurité sociale. Un don composé de vivres et non-vivres a été octroyé à 100 familles de la commune Nahangwa ce vendredi. La première dame et présidente de l'association Mugiranesa est l'auteur de ce geste humanitaire. Elle indique que le don est destiné aux familles qui s'occupent des vieilles femmes sans assistance de toutes les zones de la commune Nahangwa. Au cas où Angéline Ndayishimiye se dit engagée à appuyer toutes les femmes qui se regrouperont en association, les bénéficiaires lui demandent de rester à leur côté au Omer Ndouaye. Ce don est composé d'une tonne et 100 kg d'haricots, une tonne et 500 kg de riz et 100 pagnes. Les bénéficiaires saluent cette bonne volonté de la première dame, Angéline Ndayishimiye. Elles font savoir que ce don constitue un appui remarquable dans leur ménage vulnérable. Elles demandent à la première dame de leur venir en aide chaque fois qu'elles en auront besoin. Dans son mot liminaire, Angéline Ndayishimiye dit que ces femmes ont été choisies parce qu'elles exerçaient de petits commerces qui ne leur génèrent pas de revenus suffisants à cause du Covid-19. Angéline Ndayishimiye dit être prête à appuyer les femmes chaque fois qu'elles sont regroupées en association. Ces dernières n'ont qu'à soumettre leurs projets à l'administration communale et celle-ci aura à les transférer à la Fondation Mugiranesa. La première dame du Burundi indique que l'initiative de ce vendredi vient dans le cadre de la Journée mondiale de la femme, célébrée le 8 mars chaque année. Merci Omer Ndouaye. 25 familles exilées depuis 2015 sont rentrées de la Tanzanie ce jeudi. Ces rapatriés demandent une bonne cohabitation de la part des résidents. Et ces derniers évoquent l'inquiétude comme quoi, parmi les rapatriés, il y en a ceux qui ont fui à partir des autres provinces et qui préfèrent rester en province Changuzo. Ce qui peut occasionner des conflits fonciers. L'administrateur de la commune Gisagara précise que chaque Burundais a le droit de vivre là où il veut. Raymond Moudende. 125 familles qui ont été rapatriées ce jeudi en commune Gisagara sont composées de 70 personnes. Ces dernières avaient fui le pays en 2015 vers les camps de Douta, Mutenderi et Nyarugusu en Tanzanie. La plupart d'entre elles sont originaires des collines de Bumba, Bunyerere et Muka en commune Gisagara. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas originaires de ces collines, mais qui ont fui à partir des provinces Ngozi, Kayanza, Muyinga et Karuzi et qui préfèrent aller retour en province Chankuzo où il y a encore possibilité d'exploitation foncière. Ces résidents de ces collines de Gisagara évoquent à ce propos une inquiétude comme quoi ces rapatriés de ces provinces peuvent être à l'origine des conflits fonciers. Ces rapatriés demandent à l'administration de sensibiliser la population qui est restée pour une cohabitation pacifique. Nitunga Gracier, l'administrateur de la commune Gisagara, demande à la population qui est restée sur place d'accueillir chaleureusement ces rapatriés d'où qu'ils viennent. Selon lui, chaque Burundais a le droit de vivre là où il veut. Il demande aussi à ces rapatriés de briller par un bon comportement pour une bonne cohabitation. Et des réunions de sensibilisation sur ces collines d'accueil de ces rapatriés vont redémarrer dans le but de promouvoir une bonne coexistence. Depuis Changuzo, Raymond Mudende, Radio Isangani. Quittons Changuzo pour nous rendre en province Kirundo où la plateforme provinciale pour la réduction des risques et des catastrophes doit annoncer à temps tout ce qui peut causer l'insécurité à la population. Cela a été dit ce jeudi par Opesan 1, Sylvestre Nzeimana, membre de la plateforme nationale, lors d'une réunion tenue avec les membres de la plateforme provinciale deux jours après une pluie torrentielle qui a causé les dégâts à Abraham Safari. Comme le précise Opesan 1 Sylvestre Nzeimana, membre de la plateforme nationale pour la réduction des risques et gestion des catastrophes, la province de Kirundo est l'une des provinces les plus productives, mais également une des provinces les plus touchées par des catastrophes. Ici, il fait allusion à l'ensoleillement qui cause souvent la famine et qui engendre le départ temporaire de la population à la recherche de la nourriture. C'est pour cette raison, a insisté Sylvestre Nzeimana, que les membres de la plateforme provinciale doit être vigilant et signaler à temps tout ce qui peut causer l'insécurité à la population. Quant au chef du cabinet du gouverneur, Eric Ndouayezu, il a fait savoir que la province de Kirundo, comme ailleurs, a connu des catastrophes, des épidémies et même des pandémies, comme la pandémie de coronavirus. Ici, il a demandé aux membres de la plateforme provinciale d'aider à la sensibilisation de la population pour se protéger contre cette pandémie. Il a insisté beaucoup sur les rapatriés, surtout que parmi eux, on trouve des cas positifs au coronavirus, mais également les accompagner jusqu'au lieu d'origine, car certains rencontrent des problèmes divers. Pour le programme du gouvernement Ewe Burundi Rambaye, le chef de cabinet du gouverneur a interpellé la population de Kirundo de répondre massivement à la protection des collines en faisant le reboisement des plants d'arbres pour lutter contre l'érosion et la sécheresse. Rappelons que la province de Kirundo a connu des calamités naturelles et catastrophes dès la fin de l'année passée, à savoir les criquets puants qui ont ravagé les champs de culture dans les communes de Kirundo et Bgambarangwe. Il y a également des pluies avec du vent violent qui ont emporté beaucoup de maisons et champs de culture. Le cas le plus récent est celui du centre urbain de Kirundo où plus de 100 maisons ont été détruites, totalement ou partiellement, avec des champs de bananiers surtout ont également été détruits suite à une pluie avec du vent violent qui est tombé dans l'après-midi de ce mardi. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Et en province Makamba, des agriculteurs de la commune Makamba exerçant dans le marais dit Munika se heurtent à un problème d'irrigation de leur culture. La destruction par les inondations de trois infrastructures hydro-agricoles cause la diminution de la production du riz à 35% dans son marais, selon le responsable chargé de suivi et évaluation au sein du PPAE Makamba. Il tire une sonnette d'alarme à la réhabilitation de ces barrages de son marais de plus de 600 hectares. Jérôme Akizimane. Toutes les trois infrastructures hydro-agricoles que compte ce marais d'Imunika, qui s'étend sur les deux communes dont Makamba et Mabanda, ont été détruites par les inondations et cris de rivière. Cela fait que les riziculteurs exerçant dans ce marais aient des difficultés pour irriguer leurs champs. Conséquence, la diminution de la production du riz, selon le responsable chargé de suivi et évaluation au BPAE Makamba. Il y a deux ans et demi à peu près, ces infrastructures ont été fortement détruites par les inondations ou bien par les crues des rivières. Et ce qui a fait qu'il y a eu une diminution de 35% de la production du riz dans ces marais. La diminution de la fertilité n'est pas également épargnée, comme l'explique toujours Mnezero Telesphore. Pourquoi? Parce que ces infrastructures détruites possédaient des parties communément appelées des sableurs. Cette partie empêche le sable à partir avec l'eau d'irrigation. C'est-à-dire que cette partie joue le rôle d'otamie. Soit responsable tire un cri d'alarme au ministère de tutelle afin que ce barrage puisse être réhabilité dans le meilleur délai. Au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, d'intervenir dans le meilleur délai pour réaménager ces infrastructures hydro-agricoles. Cette problématique a aussi été soulevée lors de la rencontre que les élus des peuples de la province de Makamba ont faite l'après-midi de ce jeudi avec les chefs de service de cette province. Leur représentant, honorable Zaché Misago, a promis la soumettre au ministre ayant l'agriculture dans ses attributions. Selon Mnezero Telesphore, Zomare Munika a une superficie d'un peu plus de 600 hectares. Jérôme Agizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Et les habitants de Kajeka en commune et province de Bubanza qui avaient des propriétés foncières ont déjà tous dégagé les lieux. Ils ont bénéficié d'autres terrains en échange afin de faciliter la construction du barrage qui commence bientôt. C'est ce qu'affirme le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage dans cette province. Willine Daïkeza tranquillise également ceux qui réclament l'indemnisation des cultures qui s'y trouvaient, qu'ils vont bientôt être rétablis dans leurs droits. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Elika Dog pour la collaboration technique et Vestine Auto-GT à la présentation. Au revoir, bon après-midi.